Reste avec moi, allongé dans l'herbe. Laisse-moi donc encore goûter à tes lèvres. Qu'il semble loin, le monde qui nous entoure, laissons-le s'agiter loin de nous. On est si bien au bord de la rivière. J'ai cru entendre murmurer le tonnerre. Il semble loin, il ne peut pas nous atteindre. Allez, reste avec moi jusqu'au bout. Allez, reste avec moi. Reste avec moi sous ce tapis d'étoiles. Laisse-moi voir cet ange que la lune dévoile. On est si bien loin des lumières de la ville. Les autres, après tout, on s'en fout. Ne t'en va pas, reste dormir dans mes bras. Donne-moi ta chaleur, ce soir il fait si froid. Un peu de bonheur, c'est tout ce qu'on a. Le reste, après tout, on s'en